Bonsoir. Les faiblesses du monde se déversent en nos frontières. Intramuros, ce sont des tonnes de déchets humains qui polluent nos campagnes. Les sols autrefois fleurissants de nos villes, les parterres joyeux. La ville est morte. Aujourd'hui, où l'on ne parle plus que de cela, environnement, climat, réchauffement de la plaque tectonique, trous dans la couche de banquise, on omet tout de même de parler de la pire des pollutions, n'est-ce pas? Il s'agit, messieurs, dames, de la pollution du sang européen. Ce plasma, il y a encore un siècle, était relativement pur. On se partageait le même l'extrémité ouest du Royaume-Uni, aux confins orientaux de l'Empire austro-hongrois. Ce sang, d'un rouge presque bleu, était le même, partout sur le continent, et les anticorps organiques des nations millénaires chrétiennes savaient défendre leurs organes des invasions maronnes. Les bactéries étaient impitoyablement brûlées. Avec la République est arrivé ce petit plus, cette friandise que nous réservent les droits de l'homiste à toutes les sauces crypto-humanistes, la liberté de pensée de la presse socialiste, et voici la structure familiale longuement éprouvée, la sacro-sainte obéissance au Père et avec lui à Dieu, qui vole en mille morceaux dans une formidable cataclysmique explosion de poumons. Je ne suis pas royaliste, croyez-le ou non, mais pour un républicain de ma trempe, il faut bien admettre que lorsque cette porte de la liberté à tout prix fut entrebâillée, c'était la boîte de Pandore que l'on ouvrait en vérité. À partir de là, tout s'est accéléré. Tout est parti à une vitesse exponentielle. Les ouvriers ont voulu être riches, les agriculteurs ont voulu faire de la politique en ville. C'est pas ridicule. Les Arabes ont voulu devenir français, ça va de soi. Les avertis ont voulu accéder au droit du mariage. Et les femmes ont exigé un droit de vote dont elles ne savent aujourd'hui que faire. Et je souhaite ici ouvrir la focale sur ce problème bien précis des femmes. On a vu durant la Seconde Guerre que si la France a survécu, ce n'était pas tant grâce à son armée. On n'a qu'à regarder le film Indigène pour s'en convaincre. Ce n'était pas avec une armée de métèques indisciplinés que nous allions vaincre la sublime armée de fer de nos compagnons, les Allemands. Non, nous sommes restés ce pays fier parce que nos femmes, ce béton armé de la nation, qui donne la vie aux hommes, elle est nourrie de son lait chaud et riche. Nos femmes ont tenu bon. Les quelques rares putes ont été tondues, mais la plus grande majorité a continué à enfanter et à nourrir et à enfanter et à nourrir et à enfanter et à nourrir, inculquant aux mioches ce que sont la décence, l'ordre, l'amour de la terre des anciens. L'histoire de ce pays phénix qui se relève éternellement de ses pires supplices. Mais alors, lorsqu'on a eu fini de se chamailler entre voisins et que les détails de l'histoire ont été digérés au prix de l'acceptation forcée d'un certain nombre de mensonges qui ne sont pas l'objet de notre discussion de ce soir, malheureusement, les femmes, grisées par cet état de grâce, se sont crus un nouveau droit, celui de voter. Celui de voter à l'égal de leur pater familias. Alors là, la nuit s'est abattue. Les traditions, les enfants qui obéissent, les maisons closes, Fini toutes ces merveilles qui savaient garder un peuple monolithiquement uni. Elles ont commencé par porter des braies. C'est tout. Elles ont commencé à se maquiller. Non, pardon. J'ai commis une erreur. Elles ont cessé de se maquiller, bien entendu. Elles ont cessé de se maquiller, hein, à l'instar des hommes. Elles ont commencé à coucher avec tout un chacun, hors les murs feutrés des maisons de galanterie. Et elles ont fini, à force de vices et d'expérimentations contre nature, par coucher avec la racaille moricaude. Voilà. Voilà ce que c'est mai 68. L'avènement de la bête infernale. Les femmes françaises couchant avec les singes et les communistes mettent bas dans des convulsions hystériques caractéristiques des connasses féministes de ce monstre impossible, cette chimère révoltante qu'est le mulâtre.